Toujours à l'occasion du 9 septembre, jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, un meeting commémoratif des matelots du bateau New Global battant pavillon de Jamaïque a eu lieu le 8 courant au port de Tsongjin de la province du Hamgyong du Nord. Les participants ont tout d'abord déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il à la ville de Tsongjin avant de rendre hommage. Après les interventions, ils ont adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.